Il s'agit sans doute de l'une des histoires d'espionnage les plus extraordinaires du siècle dernier, la plus audacieuse aussi. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. En juillet 1962, l'Égypte, dirigée alors par le bouillant colonel Nasser, expérimente 4 fusées. Des engins d'une portée de 60 à 120 km, c'est-à-dire des fusées susceptibles de frapper Israël. En même temps, les services secrets israéliens obtiennent des informations particulièrement préoccupantes. Les Égyptiens ont obtenu la collaboration de savants allemands qui avaient travaillé préalablement pour le régime nazi. C'est un danger mortel pour le jeune État hébreu. Personne n'a en effet oublié les fameuses armes secrètes que Hitler prétendait posséder. Des armes qui lui auraient permis, peut-être, de changer le sort de la Deuxième Guerre mondiale s'il avait eu le temps de les utiliser avant la capitulation de 1945. Les Israéliens, comme à leur habitude, vont réagir promptement pour écarter cette menace. Les savants identifiés, localisés, font l'objet d'avertissements musclés. Certains disparaissent même purement et simplement. Et à cette occasion, les services israéliens nouent d'étranges alliances. C'est cette histoire méconnue et stupéfiante que M. X m'a racontée cette semaine. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Il faut d'abord dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pays arabes ont été pour nombre de nazis des refuges presque naturels. En effet, le Troisième Reich avait eu des rapports privilégiés avec le monde arabe. Ouais, le grand moufti de Jérusalem. Mais pas seulement. Beaucoup de ces pays étaient encore des protectorats britanniques ou français. Et sous couvert de dénoncer la colonisation, les Allemands avaient mené une politique active de propagande et d'agitation. En Égypte, par exemple, les milieux nationalistes et les futurs colonels qui renverseront le roi Farouk ont eu des rapports avec les nazis. Par conséquent, pas mal de criminels de guerre allemands en fuite ont choisi de s'installer dans les pays arabes. Oui, vous ont été bien accueillis, au fond. Généralement, oui. Ce sera encore plus évident après la création de l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils vont partager le même antisémitisme. Bah, naturellement, c'est ainsi que... Avant et après la chute de Farouk, d'anciens officiers nazis vont être chargés de réorganiser l'armée égyptienne et aussi les services de sécurité. On va donc trouver en Égypte des hommes comme le sinistre Alois Brunner ou un haut dignitaire SS, Hartmann Lauterbacher, responsable de l'extermination des juifs dans le Hanovre. Scorzoni aussi séjourna au Caire. Oh, à quel titre, hein? Il sera pendant plus d'un an le conseiller du colonel Nasser. Mais on parlera de lui, car il joua un rôle surprenant dans cette histoire des savants allemands. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces officiers ne se contentent pas d'aider les autorités égyptiennes. Ce sont aussi d'honorables correspondants. Les correspondants de qui, hein? Du BND, les services secrets de la République fédérale allemande. Alors même que ce sont d'anciens nazis? Eh oui. Le général Gehlen, qui a créé cet organisme avec l'aide de la CIA, n'a jamais hésité à recruter des nazis et même des criminels de guerre. Lui-même, pendant la guerre, enfin vous le savez sans doute, était le chef des services de renseignement sur le front russe. Et c'est pourquoi les Américains se sont empressés de lui mettre la main dessus. À cause des renseignements qu'il détenait sur l'URSS. Bien sûr. Gehlen n'est pas arrivé là les mains vides, il avait des dossiers. Ouais. Je veux bien, mais cette politique de recrutement des nazis n'était-elle pas en contradiction avec la doctrine officielle de la RFA, hein, qui prônait la dénazification? Certainement. Il était même strictement interdit au service public d'embaucher d'anciens nazis. Oui, mais dans la lutte contre les communistes, on ne pouvait guère avoir de scrupules, hein, c'est bien ça? Oui. J'ajoute que de l'autre côté, dans les pays de l'Est, on saura aussi reconnaître les talents très particuliers des anciens nazis. La Stasi, est-allemande en particulier, récupérera quelques spécialistes du renseignement du Troisième Reich. Mais je m'éloigne. Gehlen, donc, fait feu de tout bois et constitue un réseau très efficace dans les pays arabes. Il se sert en particulier des associations d'anciens combattants, les anciens de l'Afrika Korps, par exemple. Ouais, l'armée du maréchal Rommel. Oui, une armée qui bénéficie d'un grand prestige chez les Arabes. Mais venons-en à l'affaire des savants allemands. En 1956, le colonel Nasser est défait à Suez. Israël triomphe pour la deuxième fois de son histoire. Le dirigeant égyptien décide alors de doter son pays d'usines de fabrication d'armes modernes. Seulement, ça ne se décrète pas d'un trait de plume. Ah oui, il faut trouver des spécialistes. Bien entendu, car l'Égypte est encore sous-développée et ne possède pas les ingénieurs et les techniciens nécessaires. D'accord, mais pourquoi aller les chercher en Allemagne? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les excellentes relations avec les officiers allemands qui forment l'encadrement militaire égyptien. Ensuite, les savants allemands ont pour la plupart travaillé pour Hitler. Il est donc fortement probable qu'ils ne soient guère favorables aux Juifs et à l'État d'Israël qui demeure l'ennemi de l'Égypte. Et enfin, ces savants sont souvent désœuvrés. Désœuvrés, pour quelle raison? Non seulement ils disposent de très peu de crédit, mais surtout, les alliés de la Deuxième Guerre mondiale ont interdit à la République fédérale de faire des recherches dans le domaine des fusées et du nucléaire militaire. Alors, Il est tentant pour ceux qui n'ont pas été débauchés par les Américains, les Russes ou les Français, d'aller voir chez les Égyptiens. Surtout quand on leur propose des salaires mirifiques. Ok, mais alors ça commence comment ? Nasser crée un service pour les projets spéciaux de défense. Et il place à sa tête l'un de ses proches, Mahmoud Khalil. Cet ancien militaire va être le messie dominicide de Nasser. Mais il est chargé d'embaucher des servants allemands. Oui, il s'intéresse d'abord aux avionneurs. Et le plus célèbre, c'est Willy Messerschmitt, l'ingénieur qui a construit les avions de combat des Hitler. Et qui a mis au point le premier avion à réaction. Oui, c'est exact. Oui. Chasseur à réaction. Mmh. Alors, ce Khalil prend contact avec lui ? Tout à fait. Et Messerschmitt réagit très favorablement. Mais une collaboration entre son entreprise et l'État égyptien pourrait embarrasser les autorités de la RFA. Mmh. Par conséquent, il suggère de passer par la filiale qu'il a créée en Espagne. Un faux-nez, quoi. En quelque sorte, ouais. Et un accord est conclu. Messerschmitt s'engage à construire une usine aéronautique en Égypte. Et il viendra lui-même au Caire pour superviser les travaux. Parallèlement, on construit une autre usine où on va fabriquer des moteurs à réaction. À noter que l'homme qui va diriger cette unité est un ancien SS autrichien. Le docteur Ferdinand Brandner. Et ça, au moins, c'est clair. Hein. Et Khalil, secondé par ce même Brandner, s'attaque ensuite au domaine des fusées. Et les spécialistes allemands ne manquent pas. Les anciens collaborateurs de Werner von Braun. Oui, le créateur des tristement célèbres V1 et V2. Von Braun est parti aux États-Unis. Mais certains des hommes qui ont travaillé avec lui à Penemoun. Avec une main-d'œuvre de travailleurs forcés et de déportés. Oui, vous avez raison, il faut le rappeler. Donc ce Brandner recrute en Allemagne des ingénieurs spécialisés dans les fusées. Et pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, ils acceptent de venir travailler en Égypte. Parmi eux, il y a un certain Wolfgang Pilz, un savant qui a déjà participé à la mise au point de la fusée française Véronique. L'ancêtre d'Ariane ? Non, plutôt l'ancêtre des missiles de notre force de frappe. Ah bon, ouais. Tous ces spécialistes vont donc travailler dans une base ultra-secrète uniquement connue sous un nom de code, l'usine 333. Et ils vont vraiment réussir à construire une fusée ? Oui, et en même temps, pour brouiller les pistes et acheter les pièces détachées indispensables, Khalil crée en Suisse deux sociétés écrans. Ouais. Est-ce que les services secrets israéliens, enfin, je vais bien sûr parler du Mossad, sont alertés? Ils savent que les Égyptiens veulent se doter de fusées sol-sol. Ils connaissent aussi l'existence de cette usine 333, mais c'est tout. Aussi, quand en juillet 1962, les Égyptiens procèdent au tir de 4 fusées, ils tombent quand même de haut. Ouais, parce que les Israéliens ne pensaient pas que les Égyptiens aboutiraient aussi vite, hein? Oui, et leurs experts militaires, au vu des informations qu'ils recueillent, estiment que ces missiles, s'ils sont tirés du Sinaï, peuvent provoquer de gros dégâts en Israël, même si leur système de guidage ne semble pas encore très au point. En tout cas, la nouvelle de l'existence de ces fusées provoque un véritable pataquès en Israël. Un pataquès ? Pourquoi ? Parce que les services secrets vont se déchirer. L'AMAN, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée, accuse le Mossad d'impéritie. Parce que le Mossad aurait dû être au courant ? Bien sûr. Et ça relance la rivalité permanente qui existe entre les deux services et leurs chefs, Mer Amit pour l'AMAN et Isser Harel pour le Mossad. Deux hommes qui se détestent et sont à couteau tiré, mais le pire est encore à venir. Bon, expliquez alors. À la même époque, un physicien autrichien, le docteur Otto Jochlik, prend contact avec le Mossad. Et ce qu'il a à dire est particulièrement inquiétant pour les Israéliens. Mmh. Lui aussi avait fait partie de ces savants recrutés par les Égyptiens ? Oui, et affirme-t-il aux gens du Mossad, s'il vient les voir, c'est qu'il a des problèmes de conscience. En effet, selon lui, les Égyptiens sont en train de fabriquer des armes de destruction massive. Ah bah j'espère que c'est plus sérieux que les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein. Oui, enfin ça en a tout l'air. D'après lui, Nasser et ses savants allemands prévoient de charger la tête de leur fusée non pas avec des explosifs classiques, mais avec des poisons bactériologiques et même des déchets radioactifs. Or, l'information est d'autant plus prise au sérieux que l'antenne du Mossad en Suisse a découvert que des agents égyptiens avaient récemment acheté du cobalt à Zurich. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Isser Harel, dont M. X va longuement nous parler dans la suite de ce récit, est l'homme qui a organisé la capture d'Adolf Eichmann. Mais qui était Isser le Petit, comme on l'a surnommé à cause de sa petite taille ? J'extrais ces quelques lignes du guide mondial de l'espionnage de Geoffroy Daumale et Jean-Pierre Faure. Né en 1921 en Biélorussie, à Vitebsk, Isser Harel, qui s'appelle alors Alperine, émigre en 1928 à l'âge de 16 ans en Palestine sous mandat britannique. Il travaille au kibbutz Saïm comme magasinier et s'engage dans la Haganah où ses qualités d'observation, sa maîtrise de l'arabe appris en quelques mois, en font un agent de renseignement très vite hautement spécialisé. En 1936, il rejoint le Shai, le service secret clandestin de la Haganah, cette milice paramilitaire de protection des colonies juives que les Britanniques tolèrent. Harel commande le poste de la Chaille de Tel Aviv pendant la guerre d'indépendance de 1948. À ce titre, il doit surveiller les menées de l'Irgun, un groupe extrémiste juif qui refuse de se plier aux directives du tout nouveau gouvernement israélien. En 1948, Harel, déjà lieutenant-colonel, est membre du groupe qui décide de la dissolution de la Chaille et de la création des quatre services de renseignement israéliens, l'unité des affaires étrangères, le Mossad pour le renseignement extérieur, le Shin Mem, précurseur de l'Aman pour le renseignement militaire, et le Shin Bet pour le contre-espionnage. Il est nommé premier directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël. Sa priorité est alors de lutter contre les communistes israéliens du parti Mapam, soutenu par les Arabes. En 1953, à la suite de l'opération du Mossad pour récupérer les juifs irakiens qui tournent au fiasco, Harel est nommé chef du Mossad tout en conservant la direction du Shin Bet. Harel, le petit, devient alors le chef tout-puissant des services de renseignement, celui qu'on appelle en Israël le Memouné, un homme qui va détenir tous les secrets d'Israël pendant près de 15 ans. Une question avant de poursuivre. Le général Gehlen, qui, m'avez-vous dit, hein, possédait un excellent réseau de renseignement dans les pays arabes, devait être forcément au courant des travaux secrets effectués par les savants allemands. Forcément, et on peut tout de suite dire qu'il n'a jamais rien fait pour les entraver. C'est d'autant plus curieux que, dans le même temps, Israël et l'Allemagne vont se rapprocher. Ça commence par la signature d'un contrat secret entre le chancelier allemand Adenauer et le premier ministre israélien Ben Gurion. Contrat qui ne sera connu que très tardivement. Et les termes de ce contrat secret, ben, l'accord prévoit que les Allemands fourniront annuellement pour 50 millions de dollars de matériel militaire à Israël. Tanks, avions, hélicoptères. En échange de quoi? Rien. Ah bon? C'est quand même étonnant. Hein? Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, comment expliquer ça? Bon, dans l'esprit du chancelier allemand, ces cadeaux étaient certainement destinés à expier les crimes commis contre les Juifs. Mais pourtant, si ma mémoire est bonne, il y avait déjà eu un accord sur les compensations dues aux Juifs et à l'État hébreu. Oui, c'est vrai. Un accord déjà signé par Ben Gurion et Adenauer. Les mêmes, hein? Oui. La RFA s'est engagée à verser 1 milliard de marques. Mais le chancelier a voulu en faire plus. Secrètement, toutefois, car il ne voulait pas s'aliéner la sympathie des pays arabes. Quant à Ben Gurion, il avait lui aussi intérêt à respecter le secret. D'abord, pour ne pas choquer ses concitoyens, encore très germanophobes, et puis pour ne pas alerter ses voisins arabes. Alors, ce n'est pas tout. Un autre rapprochement, tout aussi surprenant et secret, s'est effectué entre les deux pays, au niveau des services de renseignement. Pourtant, on avait dit que l'organisation Gehlen a été truffée d'anciens nazis. Enfin, les gens qui ne devaient pas être très favorables à une coopération avec la Mossad. C'est évident, et ceux-là préféraient collaborer avec les Moukabarak, c'est-à-dire les services égyptiens, ou encore avec les Syriens. Aloïs Brunner sera longtemps le chef de la résidence du BND à Damas. Mais une nouvelle génération d'agents est arrivée à Pula, le siège de l'organisation Gehlen. Et ceux-là, fortement encouragés par les Américains, sont partisans de nouer des relations avec le Mossad. Et Gehlen lui-même alors? Elle joue sur les deux tableaux. Ça va même très loin, puisque l'un de ses adjoints en tient pour Israël, tandis que l'autre est arabophile. Pas facile à gérer tout ça. Toutefois, Gehlen s'en accommode. En fait, s'il tolère la coopération avec le Mossad, c'est qu'il pense qu'Israël est un pion important dans la lutte contre le communisme. Mais si vous le voulez bien, revenons au savant allemand. Mais... Isser Harel ne doute pas un instant de la vraisemblance des révélations du docteur Otto Jochlik. D'autant, et c'est un aspect à prendre en compte, qu'il est violemment germanophobe. Et qu'il doit être persuadé que tous ses savants sont forcément antisémites. Bien entendu. On discute donc de l'affaire au plus haut niveau du gouvernement israélien. Et très vite, deux camps se dessinent. Pour les uns, dont Harel est le ministre des Affaires étrangères, Golda Meir, il faut agir vite et fort. Oui, et en éliminant physiquement ces savants engagés par Nasser. Oui, enfin pour les autres, dont le ministre de la Défense, Shimon Peres, et le chef de renseignement militaire, Meir Amit, il convient de faire preuve de prudence. Mais quels arguments alors? D'abord, disent-ils, le danger n'est pas immédiat, puisque les Égyptiens ne disposent pas encore de système de guidage pour leur fusée. Ensuite, une politique systématique d'assassinat ou de neutralisation des savants allemands pourrait braquer l'opinion publique allemande, et donc mettre en péril l'exécution de ce contrat secret signé avec le chancelier Adenauer. Or, dans l'attente d'une nouvelle guerre israélo-arabe, guerre inévitable, Tsahal a un besoin urgent de ses équipements. Et Ben Gurion lui-même, que pense-t-il? Il est partagé. Les arguments des uns et des autres sont recevables. Alors, si j'ose dire, en parlant du vieux lion d'Israël, Ben Gurion va prononcer un jugement de Salomon. C'est amusant, ça. Enfin, j'essaye simplement de rendre cette conversation sérieuse un petit peu plus distrayante. Mais enfin, passons. Alors, que décide Ben Gurion? Eh bien, il autorise le Mossad à passer à l'action, mais une action modérée. Mais pardonnez-moi, mais c'est quoi une action modérée? Bah, une action d'intimidation, par exemple. Bah, c'est-à-dire qu'on va faire peur à ces savants? Oui. D'autre part, Ben-Gourion va s'entremettre prudemment auprès du chancelier Adenauer afin qu'il intervienne auprès de ces savants en faisant appel à leur conscience. Enfin, il est décidé du lancement d'une vaste campagne destinée à informer l'opinion internationale du danger qui plane sur Israël à cause de la coopération scientifique des savants allemands avec les Égyptiens. Ah, ça ne doit pas être difficile, hein, ça, parce qu'au moment de la crise de Suez, des journaux et des hommes politiques occidentaux avaient déjà présenté Nasser comme étant un nouveau Hitler. Oui, c'est tout à fait juste, oui. Isser Harel a donc quand même en partie obtenu satisfaction. Mais ça ne lui suffit pas. Il est bien décidé à agir à sa guise. C'est-à-dire en appliquant ce qu'il avait proposé, l'élimination physique des savants. Oui, le chef du Mossad va sciemment désobéir à Ben-Gourion. Et ça commence très rapidement, en septembre 1962, si je me souviens bien. À côté de ce Brandner, dont je vous ai parlé, un autre homme, Hans Krück, joue aussi les sergents recruteurs. Qu'est-ce que celui-là? Il est directeur administratif de l'Institut de Stuttgart. Oui, donc bien placé pour procéder à des recrutements dans les milieux scientifiques. C'est évident. En outre, Krück a créé une société qui achète des équipements dont l'Égypte a besoin pour construire ses fusées. L'homme est donc une pièce essentielle dans cette affaire et le Mossad en fait l'un de ses premiers objectifs. Mais ça se passe comment, alors? Avec beaucoup de professionnalisme. Un soir, ce Krug dîne avec un nommé Kleinwatcher, un spécialiste des systèmes de propulsion des fusées et un Égyptien. Qui? Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que ce type était Mordecai Look. Ah oui, je me souviens, l'agent double de la fameuse histoire de la malle aux espions. Exactement, et l'agent double qui a failli être envoyé en Égypte dans une malle spécialement aménagée. Mais qui s'est révélé être putain un agent israélien infiltré dans les services égyptiens. C'est hein, ça. C'est ça ouais. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est qu'après ce dîner, Krug monte en voiture, mais on ne le reverra jamais. Alors, bah, que lui est-il arrivé? Bah, franchement, je n'en sais rien. Mais en réalité, il n'y a que deux hypothèses. Ou bien des agents israéliens l'ont assassiné et ont fait disparaître son corps, ou bien il a été kidnappé par ces mêmes agents israéliens et envoyé ensuite de l'autre côté de la Méditerranée. Votre avis, hein? Bon, je crois qu'il a été purement et simplement liquidé. J'ajoute qu'on retrouvera son véhicule vide, évidemment, et pas très loin de son domicile, près de Munich. Mais les types du Mossad n'en restent pas là. Peu de temps après, ce spécialiste de la propulsion des fusées qui a dîné avec Krug, le nommé Kleinwatcher, va être lui aussi victime des agissements des agents israéliens. Pourtant, j'imagine qu'après la disparition de son ami, il doit prendre des précautions. Évidemment, il est armé en permanence. Mais ce jour-là, au début de l'année 1963, il sort à peine de son laboratoire lorsqu'une grosse Mercedes lui barre la route. Il plonge sur le plancher de son véhicule, tandis qu'un homme vide un chargeur entier à travers le pare-brise de son auto. Et il s'en sort? Oui, miraculeusement. Peu de temps après, la police retrouvera la voiture de ses agresseurs, une auto volée, bien entendu. Et on retrouva à l'intérieur des cartes de visite au nom d'un certain Ali Samir. Qui est celui-là? C'est le chef des services secrets égyptiens, les fameux Moukabarat. Il arrive aussi aux espions d'avoir de l'humour. L'humour noir. Oui, enfin bon. L'important dans cette affaire menée de bout en bout par le chef du Mossad, c'est que les savants allemands qui travaillent pour Nasser savent désormais qu'ils sont des cibles. France Inter, rendez-vous avec X. Monsieur X l'a dit, cette affaire a provoqué une véritable crise au sein des services secrets d'Israël entre Isser Harel et Meir Amit. Le point crucial étant la vraisemblance ou non des informations fournies par ce savant autrichien Otto Jochlik. Et je lis ceci dans un livre du Ridan, Mossad 50 ans de guerre secrète, publié en 1995 aux presses de la Cité. Jochlik apporte des documents à l'appui. Il a été chargé de fournir des déchets radioactifs, notamment du cobalt 60, pour la fabrication d'ogives nucléaires destinées aux fusées déjà construites. Et il a commencé ses livraisons dès l'été 1962. Les Égyptiens l'ont en outre chargé de se procurer des plans pour la production de bombes atomiques. Pendant que Harel considère les déclarations de Jochlik comme une preuve supplémentaire de la gravité de la situation, Amit ne veut y voir qu'une histoire de mille et une nuits, un méli-mélo de fantaisie et de réalité. La tension qui existe déjà entre les deux hommes monte d'un cran autour de l'évaluation du témoignage de Jochlik. Harel pense que les Égyptiens peuvent progresser dans le domaine nucléaire. Amit lui estime que malgré cette menace potentielle, la situation n'est pas encore dramatique. Il se range ainsi aux côtés du ministre adjoint de la Défense, Shimon Peres, l'ennemi intime d'Isser Harel. La sympathie n'a jamais régné entre ces deux hommes qui se disputent l'oreille de leur leader admiré Ben-Gourion, probablement pour renforcer leur propre position. D'après Peres et ses experts au ministère de la Défense, il ne faut pas prendre Jöklik au sérieux. Ce n'est pas plus mal que Nasser continue à gaspiller des ressources dans des projets qui n'ont aucune chance d'aboutir. Isserarel est foudrage contre Hamit et surtout contre Pérez. Est-ce que ça explique alors que malgré les ordres de Ben Gurion en personne, Harel ait choisi de désobéir la suite avec M. X? Le Mossad continue sa traque des savants allemands. Une lettre recommandée arrive chez le professeur Pils. Et Pils, c'est celui qui a travaillé pour nous, hein, le fusée Véronique. Oui. Sa secrétaire ouvre le pli, la lettre est piégée, explose à la figure de la pauvre femme qui est grièvement blessée et perdra la vue. Le lendemain, un gros colis arrive à l'usine 333. En Égypte, donc. Hein. Oui. Cet envoi est censé contenir des documents scientifiques. Les ingénieurs allemands l'ouvrent, sans méfiance, et aussitôt c'est l'explosion. Il y a 5 morts et plusieurs blessés. Nouvel avertissement sanglant, donc. Mais on doit tout de même sérieusement penser à la responsabilité du Mossad dans tous ces attentats. Et la presse internationale ne se prive pas de mettre en accusation les services israéliens. Toutefois, comme à l'habitude à Tel Aviv, on dément avec la plus grande fermeté. Mais à ce moment-là, Ben Gurion doit savoir que son ami Isserarel est passé outre ses recommandations. Bien sûr, mais on va en reparler. Car le Mossad commet une grosse gaffe. Abandonnant pour un temps les actions violentes, Isserarel poursuit son action en intimidant directement les savants allemands. Et il envoie en Europe l'un de ses agents accompagné du fameux Jöklik. Dans quel but? Les deux hommes sont chargés de prendre contact avec la fille de l'un de ces scientifiques installés en Égypte, le professeur Görke, un expert en électronique. Rendez-vous est donc pris en Suisse, à Bâle. Mais la jeune femme qui se prénomme Heidi se méfie. Ah oui, après la série d'attentats qui ont frappé les savants allemands, elle a de bonnes raisons pour ça. Hein. Incontestablement. Aussi, avant de rencontrer ces deux hommes qu'elle ne connaît pas, prend-elle contact avec la police suisse. Et les policiers décident de surveiller le rendez-vous et même de placer un micro dans la pièce où la rencontre doit avoir lieu. Résultat, Jöklik et l'homme du Mossad mettent en garde Heidi. Si Görke continue à travailler pour Nasser, il pourrait avoir des ennuis. Ouais, des menaces, quoi. Ça y ressemble. Mmh. Mais les propos restent mesurés. En fait, je ne comprends pas. Là. Pourquoi ce Jöklik est un savant, là? A-t-il été envoyé à ce rendez-vous? Parce qu'il rend compte de sa propre expérience et des raisons qui l'ont amené à refuser de continuer à travailler pour les Égyptiens. Quoi qu'il en soit, après cette rencontre, les deux hommes sont filés et finissent par être arrêtés par la police suisse. Sous quel motif, alors? L'enregistrement de leur conversation avec Heidi ne laisse aucun doute sur le caractère de leur mission. Ils sont accusés de travailler pour une agence étrangère. Et vous le savez sans doute, les Suisses ne plaisantent pas avec ce genre de choses. La nouvelle est-elle rendue publique? Les Suisses sont extrêmement discrets. Mais il n'empêche qu'il y a une fuite et que la presse annonce qu'un réseau d'espionnage israélien vient d'être démantelé sur le territoire de la Confédération helvétique. Ah, et ça commence à devenir embarrassant pour le Mossad. Bien entendu, d'autant qu'on ne peut manquer de faire le lien avec les actions meurtrières déjà entreprises contre les scientifiques allemands. D'ailleurs, très vite, la République fédérale allemande demande l'extradition des deux hommes. Mais les Suisses refusent. Mais ils vont donc être jugés sur le territoire helvétique. Oui, et le Mossad va aussitôt organiser la contre-offensive en révélant à la presse la vérité sur les travaux des savants allemands en Égypte. C'est-à-dire les programmes de fabrication d'armes de destruction massive. Et c'est relativement habile, car les Israéliens ne sont plus en posture d'accuser, au contraire. Il apparaît qu'ils n'ont fait qu'agir en état de légitime défense. Il faut dire qu'à l'époque, le petit État hébreu bénéficiait d'un formidable capital de sympathie. L'autre conséquence, c'est que les Suisses et surtout les Allemands sont montrés du doigt. Accusé de complicité avec les méchants Égyptiens? Oui, mais ça a une conséquence assez embarrassante pour l'État d'Israël. C'est-à-dire la mise en cause de l'Allemagne, c'est ça? Exactement. Ouais. Et Ben Gurion, furieux, ordonne à Isserarel de mettre immédiatement fin à sa campagne de dénigrement de l'Allemagne. À cause toujours de ce fabuleux contrat d'armement, là. Évidemment. Mais le Premier ministre israélien va encore plus loin. Sans doute remonté par Meir Amit, le chef du renseignement militaire, il demande à Harel de cesser toute action violente contre les savants allemands et surtout de lui fournir un rapport détaillé sur les menaces que représentent réellement les travaux des savants allemands. Parce qu'il a des doutes. Oui, mais Harel, qui est pourtant son ami depuis des années et des années, le prend de haut. Ben Gurion, en agissant ainsi, met en cause la fiabilité, même l'intégrité du Mossad, et il démissionne sur le champ. Ouais. Et qui le remplace? Son adversaire de toujours, Meir Amit. Alors au fond, c'est cette Heidi Görke qui est directement responsable de la démission du patron du Mossad. Oui. Et Jöklik, alors, et l'homme du Mossad, vont-ils être jugés? Il ne peut en être autrement, car il y a contre eux la bande enregistrée de la conversation qu'ils ont eue avec la fille du savant. Mais la campagne de presse habilement orchestrée par le Mossad va porter ses fruits. Qui signifie ? Les magistrats suisses considèrent que l'Israélien qui accompagnait Jochlik a agi par patriotisme. Quant au savant autrichien, on reconnaît qu'il a eu raison de dénoncer les tentatives égyptiennes de se procurer des armes de destruction massive. Conclusion alors ? Bah, les deux accusés sont condamnés à des peines de principe et rapidement libérés. Toutefois, le procureur souligne que le gouvernement suisse ne peut tolérer que son territoire serve de champ d'action à des manœuvres secrètes, quels que soient les motifs qui animent les hommes qui les perpétuent. Mmh, voilà, bon, quand même, un verdict de clémence alors. Sans aucun doute. Il faut dire que les Suisses avaient aussi des choses à se reprocher, puisque les achats de cobalt avaient eu lieu chez eux. Mmh. Alors, au fait, est-ce que les révélations là, de ce Otto Jochlik étaient sérieuses ? Ah, la question est en effet importante. Et si Serrarel a démissionné aussi soudainement, c'est que son dossier n'était peut-être pas aussi solide qu'il le prétendait. Pourtant, on avait dit que des agents du Mossad avaient établi que ces achats de cobalt en Suisse avaient réellement existé. C'est vrai, mais les quantités étaient très faibles. Et elles n'auraient en aucune façon constitué une grave menace pour Israël. En fait, c'était des échantillons. Mais le chef du Mossad a vu là l'occasion de mettre fin de façon expéditive à la collaboration scientifique entre les savants allemands et l'Égypte. Mmh. Alors, il a, un peu comme Blair, hein, il a sciemment gonflé le dossier pour convaincre Ben-Gourion. Je ne vous fais pas dire. Et il a aussi exagéré le niveau de compétence de ce docteur Jochlik, qui n'était qu'un simple ingénieur parmi d'autres. Un spécialiste de radiologie et non pas un physicien, comme il l'affirmait. Mmh. Et c'était toujours afin de rendre plus crédible la menace des fusées égyptiennes. Bien sûr. Ouais. Est-ce que le procès en Suisse et la démission d'Israël mettent un terme à l'action des Israéliens contre les savants allemands ? Non. Mais le Mossad et son nouveau chef vont procéder autrement. D'abord, ils vont entrer en contact avec le général Gehlen, leur nouvel ami. Ils lui proposent d'organiser le rapatriement des savants allemands. Et comme tous ces types ont longtemps fricoté avec les nazis et que Gehlen est lui-même bien placé pour en connaître certains d'entre eux, le Mossad suggère de leur proposer, s'ils quittent l'Égypte, des situations intéressantes dans leur pays. Mmh. Et Gehlen accepte ? Oui, parce que c'est un moyen honorable pour l'Allemagne de rompre avec ses vieux démons. Ensuite, les Israéliens vont se livrer à une véritable campagne d'envoi de lettres anonymes. Tiens, des lettres envoyées aux savants, toujours. C'est ça, oui, des lettres très menaçantes et très troublantes. Pourquoi ? Oui, parce qu'elles prouvent que le Mossad les a clairement identifiés et connaît même très bien leur vie. Comment le Mossad a-t-il pu arriver à un tel résultat ? Parce que vous m'avez bien dit que leur présence en Égypte était entourée du plus grand secret. C'est juste. Eh bien, les services israéliens disposaient d'un agent qui avait réussi à infiltrer ces milieux ultra-secrets. Un certain Wolfgang Lotz, sans doute un des plus grands espions du XXe siècle. Mais si vous le voulez bien, je vous en parlerai la semaine prochaine. Toutefois, un dernier mot. L'opération initiée par Harel pour éliminer les savants allemands avait pour nom de code Damoclès. Oui, l'épée de Damoclès. Et elle a été supervisée par Yitzhak Shamir. Un futur premier ministre et chef du Likoud. Lui-même. Et elle a bénéficié d'un concours inattendu. Et qui ? Otto Skorzeny, le chef des commandos d'Hitler et le libérateur de Mussolini. Ouais, mais pourquoi lui, alors ? Parce que les Israéliens ont réussi à le faire entrer dans leur jeu. C'est-à-dire à travailler pour eux ? Exactement. Mais comment Bon, honnêtement, je ne le sais pas. Et vous pensez bien que Skorzeny ne s'en est jamais vanté. Mais je pense que les contacts avec les Israéliens ont dû être noués à la fin des années 50, alors que le Mossad s'était lancé dans la chasse à Eichmann. Skorzeny a-t-il été payé ou a-t-il été victime d'un chantage ou encore d'une menace physique ? Toujours est-il qu'il a travaillé avec les services israéliens et que, lui aussi, leur a fourni des renseignements très précieux sur les savants allemands qu'il connaissait bien pour avoir longtemps séjourné en Égypte. Rendez-vous est donc pris pour la suite de ce récit. À samedi prochain, et je vous rappelle comme d'habitude que sur franceinter.com, vous pouvez avoir des renseignements sur cette émission et même la réécouter.